L'appartement est situé au centre-ville, à la périphérie. L'appartement donne sur un jardin, sur la rue, sur une place. L'appartement est bien situé, mal situé, ancien, récent, moderne, neuf, en bon état, en mauvais état, calme, bruyant, clair, lumineux, il a beaucoup de lumière, sombre, propre, sale, joli, charmant, il a du charme, minuscule, tout petit, petit, grand, immense. L'appartement fait 90 mètres carrés. L'appartement est chauffé à l'électricité, au gaz. L'appartement n'a pas le chauffage.